mais je suis plus dans ma chambre. Je pose pour des scuds, des mixtapes, les choses changent. Deux albums et une mixtape au compteur. Pour ça j'ai pas changé, j'y mets tout mon cœur. J'assume mes idées et j'expose mes propos en m'en battant les couilles de ce que pensent les autres. Je dis pas que d'où je viens c'est la merde, que je vis à Bagdad. Et je fais pas croire aux gens que je roule en 4x4. Je relate juste ce qui se passe autour de moi. Des fois y'a des choses tristes mais j'en rajoute pas. J'écris pour le message, pour toucher les gens. Et je suis content quand ça marche, surtout chez les chiens. Je passe du temps à ça, je mets tout ce que j'ai dedans. La rage qu'il y a en moi, je pense que tu le sens. Et si un jour j'arrive à te faire comprendre un truc, je serai content de moi, j'aurai enfin atteint mon but. On parle de ce qui se passe chez nous, on parle de ce qui nous touche. On parle de ce qui nous entoure et on ferme des bouches. On parle des conneries de bouche, on parle de trucs louches. La feuille et le crayon, y'a que ça qui nous pousse. On parle de ce qui se passe chez nous, on parle de ce qui nous touche. On parle de ce qui nous entoure et on ferme des bouches. On parle des conneries de bouche, on parle de trucs louches. La feuille et le crayon, y'a que ça qui nous pousse. Une feuille et un crayon, c'est ce que j'ai entre mes mains. Des douleurs et problèmes, mec, j'en ai plein. Je vis chaque jour sans penser au lendemain. Et je le ferai jusqu'à ce que Allah y mette la fin. Mes sentiments sur cette feuille sont inscrits. Toujours vrai car j'écris sur tout ce que je vis. Mes paroles sont sincères, mec, j'ai jamais menti. J'suis pas un gangster et tu veux mon avis. Sur 100 rappeurs, des vrais gangsters, y'en a deux. Le reste des mythos copient sur des films mafieux. Et yo, mec, c'est pas ça du vrai hip-hop. Sauf vrai SS de ma volonté des strophes. Sinon lâche le mic, les crayons et la feuille. MC fais-moi de la place avant que je te dépouille. Trop de guignols veulent percer dans ce biz. J'fuck ton rap, j'te fuck toi et ton biz. On parle de ce qui se passe chez nous, on parle de ce qui nous touche. On parle de ce qui nous entoure et on ferme des bouches. On parle des conneries de bouche, on parle de trucs louches. La feuille et le crayon, y'a que ça qui nous pousse. On parle de ce qui se passe chez nous, on parle de ce qui nous touche. On parle de ce qui nous entoure et on ferme des bouches. On parle des conneries de bouche, on parle de trucs louches. La feuille et le crayon, y'a que ça qui nous pousse. Trop d'âmes, trop d'âmes, trop de sim, trop d'hymnes, trop d'hommes, trop de genoux, trop de haram. Trop de cam, trop de peine, trop de haram, trop de gun, trop de boom, trop de con, trop de ton, trop de chemise, trop de pile, une assiette, trop de pâtes, une voiture assise, trop de cœur, trop de clopes, trop de fiottes, trop de potes, trop de rot, trop de top, trop de prof, trop de lap, trop de tape, trop de mixtape, trop de jet, trop de caisse, trop de glace, trop de mer, meurt de stress, trop de père qui encaisse, trop de cash, trop de casse, trop de pète, trop de clash, trop de lâche. Moi-même, MOULID. On parle de ce qui se passe chez nous, on parle de ce qui nous touche. On parle de ce qui nous entoure et on ferme des bouches. On parle des conneries de bouche, on parle de trucs louches. La feuille et le crayon, y'a que ça qui nous pousse. On parle de ce qui se passe chez nous, on parle de ce qui nous touche. On parle de ce qui nous entoure et on ferme des bouches. On parle des conneries de bouche, on parle de trucs louches. La feuille et le crayon, y'a que ça qui nous pousse.